C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue. L'homme avançait tout seul à travers le désert. L'homme avançait tout seul sans regarder derrière. Vêtu d'un seul jean noir, des cousures brisées. D'appalant il allait sans y vraiment penser. Et ainsi pendant un jour, puis pendant une nuit. Puis un deuxième jour, une deuxième nuit. Toute une semaine jusqu'à ce qu'il ne reste que le désert au nord. Au sud-est, à l'ouest. Enfin il s'arrêta, contempla tout ce vide, tout ce sable si blanc, si fin, sans une ride. Plus rien que du sable à tous les horizons. Il sut qu'il mourrait là sans aucune raison. Il resta debout tout un jour, toute une nuit. Puis un deuxième jour, une deuxième nuit. Le vent sur sa peau brûlée, il restait debout. Au bout d'une semaine, il tomba à genoux. Son corps était fourbu d'une saine fatigue, mais la joie dans son cœur semblait danser la gigue. Encore une semaine, il vécut à genoux. Enfin il s'écroula, heureux, seul, loin de tout. En moins de 4 jours, restait seul son squelette, mangé, vidé, rongé par des milliers de bêtes. Mais son crâne à jamais conserve son sourire, et certains soirs encore, on peut l'entendre rire. Cascading. things got so tense and dark. We had to turn our back to all our hopes and dreams. Things I know what they seem. Looks like just to get alive. But will life be a safe and smile? My well living inside my mind. My own kind of higher mind. We'll never be back down. Looks like just to get alive. But will life be a safe and smile? My own well living inside my mind. My own kind of higher mind. Arc-en-ciel. It's so hard to be when there is no one near, no one to talk to. When I feel so much fear, I'm scared to be with you. You make me wanna run very far away from you with everything you do. You need to stop doing this to me. Together like this we can be. I love you but I can't take it anymore. I can't be with you no more. You say you love me, but all you do lately is hurt me so badly. You say you love me, you say you care about me, but all you do is beat me. Why can't you just stop, stop hurting me? When you hurt me so badly, I thought you'd change, but now I know it was fake. You say you love me, but all you do lately is hurt me so badly. You say you love me, you say you care about me, but all you do is beat me. Why can't you just stop? Danser, danser, danser, j'aime danser. Chante, chante, j'aime chanter. Et rêver avec la danse. Lance le jour qu'on recommence. Des mots de soleil. Illumine les jours.

bouteille à la mer. Lancer une bouteille à la mer. Noyer sa vie dans un verre. Une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer. Estou doente de amor. avant d'agir si brusquement. Pense aux souvenirs si différents. Oh, pense à toutes les choses qu'on a perdues, à toutes les envies, à toutes les blessures. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue dans nos programmes. Yeah. en a pour tout le monde. Ça danse en cadence, alors fais comme tout le monde. Balance-toi, c'est bon ça, tout le monde. Ça danse en cadence, alors fais comme tout le monde. Balance-toi, c'est bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça. J'adore quand le people se libère. Ça lance les hostilités et d'un coup tout s'accélère. Tout le monde est dans la vibe, pas besoin d'être millionnaire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est sur le même pas. La petite bourgeoisie avec la France en bas. Ici c'est le fire, lève les mains et mets le fire. L'ambiance est bombastique, prends ton pied, amuse-toi. Y'en a pour tout le monde. Ça danse en cadence, alors fais comme tout le monde. Balance-toi, c'est bon ça, tout le monde. Ça danse en cadence, alors fais comme tout le monde. Balance-toi, c'est bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça. Messieurs les politicos, il y a mal donne. Yeah. Ici la jeunesse est en accord. Oh, oh, oh. Et elle en redemande encore et encore. C'est pour les wood boys, les gars, les BCBG, les miches pour les racailles. Tout le monde est en accord, ça fait un score. Les pêches, j'ai bye bye. Et même si ça leur fait mal, on continuera à être official. On a la fougue et le mental, c'est phénoménal. Everybody. Y'en a pour tout. C'est bon ça, y'en a pour tout le monde. Thank you. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Bonjour à vous les amis, heureux de vous retrouver. Bonjour à vous les amis, on va bien s'amuser. Nous voilà tous réunis, on va mettre le feu. N'oubliez tous nos soucis, on va tous être heureux. Bonjour à vous les amis. Bonjour à vous les amis, on va bien s'amuser. Et si le cœur vous en dit, il faut prendre le pas. Il faut qu'on danse et qu'on rit, on est venu pour ça. Il est presque 13h30, voilà, le retour de l'émission comme tous les dimanches, tout simplement, avec l'accordéon. Bonjour à tous, à vous toutes, voilà, donc, eh bien, de retour, et puis un merci tout simplement à Lionel avec l'émission. Le téléphone sonne entre 10h jusqu'à 12h30, et que vous allez le retrouver la semaine prochaine, et ainsi, mardi matin, à partir de 9h. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h avec bien tout simplement l'accordéon. Depuis dimanche dernier, eh bien donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous, tout simplement, et que vous attendez très bien l'émission de l'accordéon. Eh bien, sans plus tarder, la voici, et on va sans tarder d'écouter beaucoup de musique d'accordéon pour vous faire plaisir. Plus tarder, je vous laisse avec la polka, mais avant la valse. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Thank you. Le samedi nous partons sur les routes de France pour les mordus de la danse. Nous sommes des guérons, nous chantons, nous rions avec l'accordéon. Chantons à l'unisson, l'on s'en va quittant la maison, le foyer. Heureux de retrouver tous les amis, l'on revient lorsque l'on est très fatigué. Tous heureux de retrouver son petit lit. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Je vous laisse avec le tango suivi du Madison et juste après, on ira faire un petit tour du côté du Mexique. Thank you. Arc-en-ciel. Voilà, un instant, on a fait un petit tour du côté du Mexique et je vous laisse avec la fiesta. Et puis juste après, le paso, voilà, pas, mais c'est le paso. Et puis il y aura aussi le cha-cha.

Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Et puis comme tout à l'heure, je vous ai dit qu'on écouterait tout simplement eh bien le cha-cha, donc le voici. Et puis juste après, on écoutera la musette et puis ainsi la marche. Mais avant tout simplement, eh bien on va faire un petit plaisir à une autrice qui aime bien tout simplement le tango ensoleillé. Eh bien donc le voici, tout simplement le revoici. Je vous laisse avec la marche et puis suivi la Java. Arc-en-ciel. Voici le slow, et suivi après du mambo, et puis la marche. Eh bien, je vous laisse avec le, oui, ça, avec le country. Et puis, juste après, on retourne avec le Madison. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Valse à Jojo qui se danse en solo quand on prend de la bouteille. Elle tombe près du comptoir entre deux verres à boire, elle fait comme une abeille. Elle bat trois petits pas sur le filet d'un bal, froisse les dentelles. C'est la sœur des clodos, à mon goût que c'est beau, c'est la valse à Jojo. C'est la valse à Jojo, un tantinet rétro qui sent la naphtaline. Sur un air de Java, elle se met de la gomina, c'est pas pour les gamines. Elle fait trois petits pas sur les manèges en bois, descend vers les usines. Puis pareil au mégot, ce con si mon bistrot, c'est la valse à Jojo. Guinguette et Cotillon ont dû fermer boutique pour une autre musique. Champagne et Tourbillon qui fascinaient les filles ont lâché la gambille. C'est la valse à Jojo en pâte à berlingot qui se tourne à l'ancienne. Sous les mains d'un héros, elle coule comme un cadeau du bal, c'est bien la reine. Elle fait des entrechats, nous file sous les doigts et monte sur la scène. Un tonnerre de bravo, elle joue les toreros, c'est la valse à Jojo. Et longs jupons ont légué leur pratique à bien d'autres fabriques. Le chêne à Robinson, tu peux dormir tranquille, tant pis pour la gambille. C'est la valse à Jojo qui se danse en solo quand on prend de la bouteille. Elle tourne près du comptoir entre deux verres à boire, elle fait comme une abeille. Elle bat trois petits pas sur le filet d'un bal, froisse les dentelles. C'est la sœur des clodos, à mon Dieu que c'est beau, c'est la valse à Jojo. C'est la sœur des clodos, à mon Dieu que c'est beau, c'est la valse à Jojo. Juste un instant, la valse, et puis je vous laisse avec la guinguette. Et puis juste après, on ira faire un petit tour avec la samba. Thank you. belle, te laisser guider. Un air nous appelle, allons bien danser. Viens et tu verras, tu te griseras. Laisse-moi te serrer dans mes bras. En avant, en arrière, c'est la samba des monétières. Allons-y, plein d'entrain, c'est la samba des limousins. Un baiser, ma jolie, pour faire passer notre envie. Un baiser, ce n'est rien, mais ça nous fait un si grand bien. Lorsque tu me dis je t'aime, je trouve ça merveilleux. Lorsque tu me dis je t'aime, je vois s'entrouvrir les cieux. En avant, en arrière, c'est la samba des monédières. Allons-y, plein d'entrain, c'est la samba des limousins. C'est la samba des monédières. Allons-y, plein d'entrain. C'est la samba des limousins. Un baiser, ma jolie, pour faire passer notre envie. Un baiser, ce n'est rien, mais ça nous fait un si grand bien. Lorsque tu me dis je t'aime, je trouve ça merveilleux. Lorsque tu me dis je t'aime, je vois s'entrouvrir les yeux. En avant, en arrière, c'est la samba des monédières. Allons-y, plein d'entrain. C'est la samba des limousins. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Les sombreros ne sont pas de la fête. Passo endiablé du dimanche, des robes blanches, tu portes chance. Plus d'un garçon au cœur de la nuit noire, en secret souvent te doit sa victoire. Thank you. village, aux vrais ombrages, aux filles sages. L'accordéon remplace la trompette, les sombreros ne sont pas de la fête. Passons en diable du dimanche, des robes blanches, tu portes chance, plus d'un garçon au cœur de la nuit noire. En secret souvent te dois sa victoire. On va écouter tout simplement, et eh bien avant labourer, on va faire un petit tour avec la polka. Et puis ainsi, il y aura les troubadours. Thank you.

la samba. Si je sens mon cœur qui bat et mon petit cœur balance quand commence la samba. Quand j'entends ce rythme-là, je suis dans tous mes états. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à la samba. Aïe, aïe, aïe. Cette air-là m'émoustille. Je frétille, je pétille comme un verre d'extra dry. Si j'ai l'air Coca-Cola, si je fais des entrechats, si les plombs de mon cœur flottent, c'est la faute à la samba. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Et bien, donc, je vous laisse avec tout simplement, et bien, ça s'appelle Sertaki, et puis je suis après de la Java et la Rumba.

et ton image pour toujours sera mon plus grand secours. Pour toi, ma Mona Lisa, avec ton regard merveilleux et ton sourire malicieux, tu as mis mon cœur en émoi. Pour toi, ma Mona Lisa, jolie modèle que j'ai choisi, mon tableau sera réussi, il m'enchantera jour et nuit. Pour toi, ma Mona Lisa, tu seras toujours auprès de moi. Pour toi, ma Mona Lisa, tu seras toujours avec moi. Os segredos mais secretos são a cor, o olhar e o número fatal. O mar de assaltos seus em cruzadas proibidas.